tenue de gala, tenue de gala, comme elle est ostentatoire. Tenue de gala, tenue de starlette, tenue de gala, tenue de starlette, tenue de gala, comme la ligne ostentatoire, tenue de starlette, tenue de gala, comme la ligne ostentatoire. Yeah.